24, 32, observation, place des pronoms objets directs. Révision. Il faut l'excuser, le pauvre. Excusez-le. Il faut l'excuser, la pauvre. Excusez-la. Il faut nous excuser. Excusez-nous. Il faut vous excuser. Excusez-vous. Il faut les excuser. Excusez-les. Il faut m'excuser. Excusez-moi. Il faut t'excuser. Excuse-toi. Rappelez-vous que les pronoms objets se placent après l'impératif. Notez les formes moi et toi après l'impératif.